Il est 13h30 et vous avez rendez-vous là tout de suite avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Pour la première fois, ils viennent de mettre la main sur un des banquiers de la mafia. Cette semaine, Cosa Nostra. Sur un des mystérieux professionnels du recyclage de l'argent sale. Politique et crime organisé, de dangereuses liaisons. Ce sont en tout 18 mafiosi qui, d'après les magistrats de Caltanissetta, ont participé à l'attentat contre le juge Giovanni Falcone. À 10h pile, Giulio Andreotti est entré dans la salle du tribunal Bunker, cette salle blindée qui avait été aménagée à l'intérieur de la prison de Palerme pour y célébrer le maxi-procès contre la mafia. Si je trahis cette organisation, que ma chair brûle comme cette image. Le meurtre de Giovanni Falcone le 23 mai 1992 dépasse en violence et en cruauté tous ceux des juges et des policiers assassinés jusqu'alors. Voitures piégées, missiles, au début on en sait très peu. L'enquête commence dès le lendemain. Et dès le lendemain également, des suspicions sont formulées ouvertement. Car le juge, encadré comme il l'était, dans une vie minutieusement déréglée à tout moment, était jusque-là demeuré inattrapable, une cible trop mouvante. Qui, à Rome, connaissait donc le voyage secret de Giovanni Falcone pour Palerme? Quelles sont les possibles implications des hautes sphères de l'État? Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous entendez dire par hautes sphères de l'État, mais ce qui est sûr, que Falcone, les derniers temps, était en train de collaborer très strictement avec le juge Di Pietro. Michele Lubrano est alors responsable de Rai Due à Paris. Il esquisse quelques éléments de réponse à Philippe Cotelin. Le juge Di Pietro, qui à Milan s'occupait des pots de vin, des hommes politiques et des épisodes de corruption qui se sont passés les dernières années. Et Falcone donnait une grande collaboration substantielle à juge Di Pietro. Donc il y avait la haine de la mafia contre Falcone, mais il y a aussi un mélange des intérêts qui ne sont plus seulement les intérêts de la mafia. Aujourd'hui, à Palerme, lors des obsèques du juge Falcone, il y a eu visiblement une grande manifestation de la part de la population qui était là. Ces obsèques se sont transformées en manifestation contre la classe politique. Alors c'est tout de même curieux de constater cela, alors que ce sont les mêmes élus politiques que l'on voit en Italie depuis des années. Oui, c'est ça la première contradiction, c'est que les Italiens protestent, et après, ils votent les mêmes, depuis 50 ans maintenant, presque 50 ans depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et de l'autre côté, il y a un phénomène qu'il faut commencer à suivre avec attention, c'est que les Italiens commencent à voir les bols des mêmes politiques. Et surtout des promesses qui ne sont pas maintenues. Des mots, des mots, des mots. Et ça, c'était la politique du gouvernement contre la mafia. Si vous voulez, il y a la dernière phrase du livre de Falcone qui est, disons, prophétique dans un certain sens, mais qui dit la vérité aussi. Ça veut dire, en Sicile, la mafia frappe les serviteurs de l'État que l'État ne parvient pas à protéger. Je pense qu'à un certain moment, la classe politique a été mise devant ses responsabilités, mais il y a beaucoup des choses beaucoup plus graves dans cet assassinat. C'est que cet assassinat représente la fin d'un espoir. Le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes aujourd'hui dans l'église de Palerme et dans la place, ça démontre que les jeunes donnés à Falcone, il les considérait comme un héros positif. Et alors on se demande, on se pose la question, qu'est-ce que nous, Italiennes, nous, quel message, quelle hérédité on laisse aux nos enfants? C'est grave, beaucoup plus grave que les rapports mafia, politique, etc. Ils ont fait quelque chose qui a blessé d'une manière substantielle tous les Italiens. Ils ont fait. Mais qui, a fait. Sur place, les enquêteurs mettent rapidement la main sur quatre objets suspects. Une torche électrique, des gants en plastique, un sac, ainsi qu'un tube de mastic. Ils cherchent ensuite l'endroit d'où les meurtriers ont pu agir. Quand ils en témoignent peu après, c'est sous le couvert de l'anonymat. On s'est intéressé à cet immeuble, la partie haute. Mais de là, c'était impossible de voir l'endroit où a eu lieu l'explosion. Il y avait trop d'arbres, et donc le point de vue n'était pas idéal. E quindi la visuale non era delle migliori. Come prima cosa salimmo qua sopra. D'abord on grimpe sur les hauteurs pour se rendre effectivement compte de ce qu'on pouvait voir du haut et quelle possibilité il y avait de pouvoir se mettre là. C'era di fatto di poter mettersi qui e in questo casotto c'è una galleria. Dans cette petite cabane blanche, il y a une galerie très longue qui conduit jusqu'à Palerme. On pensait qu'ils avaient probablement emprunté ce tunnel. Ce n'était pas le cas. De là, ils avaient une vue parfaite. Ils avaient un point de vue parfait sur l'autoroute, dont on peut voir le tracé sur 3 ou 4 km de distance. La possibilità di avvistare il corteo già a quasi 3-4 km di distanza. Questo è un muretto. Ça, c'est un petit mur où on a trouvé des mégots de cigarettes et on en a trouvé d'autres aussi plus loin. Questa era quella pietra che abbiamo visto in particolare prima, quella pietra. Cette pierre leur servait de repère. Ils étaient assis là, de ce côté du mur. Ils ont coupé les branches de cet arbre pour mieux dégager la vue. La visuale al comando operativo, anche altre. Au début, on pensait que ce silo pouvait constituer un point de mire. Che fosse costituiva proprio una perpendicolare, che fosse il riferimento, un mirino proprio utilizzato come punto di riferimento da parte degli attentatori. Questi sono i danni causati. Però lo spunto. Mais l'élément le plus important, nous l'avons le 24 au matin. À ce moment-là, le docteur La Barbera rentre. C'est lui qui dirigeait la police. Il me charge, moi et un autre fonctionnaire, d'identifier toutes les personnes qui habitaient dans ces maisons, dans les environs. Nous descendons et dès la première maison que nous rencontrons, sur la droite, à côté du portail, il y avait un monsieur qui était en train de faire quelque chose. C'era un signore intento a. Stava chiudendo, mi pare, qualcosa in quel. In quel piccolo coso. E lo chiesi le generalità. Je lui ai demandé de s'identifier. Ce monsieur me dit qu'il s'appelle Giovanni Battaglia. Mi dà gli estremi, per favore, dico, la invito a venire presso i nostri uffici perché. Je lui demande aussi ce qu'il fait, a chi è le terrain, est-ce que le terrain sur lequel il travaille est à lui. Il me dit non. Je l'ai en gestion d'un certain monsieur Troia, qui a un magasin de meubles dans le centre. Qua al centro abitato, Troia. Dico, lei di je lui dis, quel est votre métier? Il me dit, moi je travaille dans la carrière de monsieur Senzale Giuseppe. Et ce nom à côté de celui de Troia, pour moi, ça a été un déclic. C'est peu après son retour à Palerme que le juge Falcone est assassiné. Un retour, en effet, car depuis peu, le juge Falcone a quitté son précédent mandat et la ville où il exerçait jusque-là. Il y a pour cela des raisons auxquelles Cosa Nostra n'est pas étrangère. La mafia, avant d'éliminer son ennemi, elle fait une stratégie de légitimation, de transformation de l'ennemi comme une personne qui est fou. Ferdinando Iposimento, juge italien, spécialiste de la mafia. Comme personne qui est délirante, comme personne qui ne comprend rien, comme personne qui est corrompue, comme personne qui est affligée du phénomène de l'obsession des causes nostres. Et après de cette campagne, de cette opération de délégitimation de cette personne, la mafia peut tuer les ennemis. Il a une stratégie très complète, comme en fait pour Falcone. Falcone, avant d'être tué, a été accusé d'être lié à Cosa Nostra. Nous avons lu sur les presse que Falcone a utilisé certains mafieux pour tuer autres mafieux. Nous avons lu que Falcone avait lien avec les hommes politiques mafieux, qu'il avait lien avec entrepreneurs mafieux. Et donc, avant d'être tué, Falcone a été détruit psychologiquement. Il a été obligé à laisser Palermo. Il a accepté la charge de conseiller du ministère de l'Intérieur. Il a travaillé comme directeur général au ministère de l'Intérieur, comme bureaucrate, non comme magistrat. Où en est l'enquête concernant les assassins du juge Falcone? Dès le lendemain de son entretien avec Giuseppe Battaglia, rencontré près du lieu de l'attentat, l'inspecteur se rend au fichier central et découvre que Troia, le propriétaire du terrain, et Senzale, son employeur, sont tous apparentés à la mafia. Deux d'entre eux ont été mêlés à des histoires d'explosifs. C'est peut-être le début d'une piste. Ce que les enquêteurs savent, c'est que l'attentat contre le juge Falcone a eu lieu dans une partie de Palerme placée sous le contrôle de la famille de San Lorenzo. C'est le dernier quartier de la ville avant l'aéroport. Neuf familles mafieuses se partagent en fait le territoire de la région de Palerme. Les chefs déjà connus vivent tous dans la clandestinité, sous de fausses identités. Ils changent fréquemment de domicile, protégés par le mur infranchissable du silence. C'est une règle de fer de Cosa Nostra. On ne peut pas commettre un délit sur un certain territoire, surtout s'il s'agit de délits très graves, sans que le chef de famille en soit informé. Mais les chefs de cette zone, leur identité, leur sont pour le moment inconnus. Il leur faut donc les identifier. Écoute, filature, des heures interminables à traquer l'indice. Travail fastidieux d'une vérification de tout, de la moindre seconde, du moindre objet trouvé sur les lieux de l'attentat. Morceaux de branches coupées, mégots de cigarettes pour analyser le code génétique de la salive, la moindre empreinte. On vérifie le nom de tous les passagers dans les ports et les aéroports. Le trafic téléphonique de tous les appareils portables. Antonio Manganelli, responsable de la police judiciaire à Rome. On s'est dit, si le juge Falcone est parti de Rome, s'il est arrivé à Palerme à une certaine heure, si ces gens l'attendaient, ils ne pouvaient pas savoir quand il arriverait. C'est que probablement quelqu'un attendait Falcone à l'aéroport. Quelqu'un a donné la nouvelle. Quelqu'un a donné un signal. Quelqu'un l'a suivi. Quelqu'un a averti de son arrivée ceux qui devaient actionner la bombe. Et alors, en développant cette hypothèse, nous avons contrôlé des dizaines de milliers de numéros de téléphone portables. On a demandé à la compagnie des téléphones de nous donner la liste de tous les appels sur certaines plages horaires. Che in Italia si era sviluppato in certe fasce orarie. Quali? Uno, l'uscita di La sortie de Giovanni Falcone est du ministère de la Justice. Il passe une partie de l'après-midi au ministère de la Justice. Il sort. Il va à l'aéroport de Ciampino, donc la sortie du ministère de la Justice. Quindi l'uscita dal ministero di grazia e giustizia. 2. L'arrivée à Ciampino. 3. Le départ du vol de Ciampino pour Punta Raisi. 4. L'arrivée à Punta Raisi. 5. Le transfert du cortège des autres voitures de Punta Raisi à Palerme. Et enfin, l'heure de l'attentat. In ultimo, l'ora dell'attentato. On a travaillé sur plus de 400 000 appels. Carlos Bou, inspecteur principal de la police judiciaire. Une énorme quantité. Une quantité impressionnante. Et puis, au fur et à mesure qu'on travaillait sur certains suspects, on s'intéressait aux téléphones cellulaires dont ils se servaient, dont leur prête-nom se servait, etc. Et alors, on n'a pas arrêté de faire des recoupements, un travail vraiment colossal. Deux mois plus tard, une première piste finit par se dégager. Elle concerne la nature de l'explosif utilisé. 600 kilos d'un mélange de TNT et de nitroglycérine glissés dans un conduit d'écoulement des eaux sous l'autoroute. Première étape, on sait comment le juge Falcone a été assassiné. Le plus difficile reste à savoir par qui. C'est ce dont va être chargé le juge chargé de l'affaire au pool antimafia, le magistrat Borsellino. 19 juillet 1992. Une fois de plus, la Sicile pleure un magistrat courageux. Une fois de plus, la mafia frappe avec une brutalité inouïe. Paolo Borsellino, l'un des magistrats du pool antimafia, est mort carbonisé dans sa voiture blindée. L'attentat s'est produit à 17h15 dans une Palerme écrasée par la canicule. Le magistrat et son escorte se rendaient à bord de trois voitures blindées dans le quartier de la foire de la Méditerranée où habitent la mère et la sœur de Borsellino. Au passage du convoi, une Fiat 500 bourrée de tritol a explosé. La rue à cet endroit est très étroite. D'un côté, une école fort heureusement vide en ce dimanche. De l'autre, un immeuble de 10 étages. La déflagration a été entendue dans tout Palerme. Le souffle a renversé et incendié de nombreuses voitures en stationnement. Borsellino était un intime de Giovanni Falcone, le magistrat tué il y a deux mois avec sa femme et trois agents d'escorte dans un attentat près de l'aéroport de Palerme qui avait bouleversé toute l'Italie. Les observateurs ne s'y trompent pas. La procureure Hilde Boccassini en tête. Si ce jour-là, il y avait eu plus de monde, il y aurait eu une véritable catastrophe. Heureusement que les gens étaient au bord de la mer, pas chez eux. C'était une très chaude journée de juillet. Mais là, l'effet a été dévastateur. Il y aurait eu beaucoup plus de morts, c'est donc bien ce qu'ils recherchaient. Paolo Graldi, journaliste au Corriere della Sera. C'était l'homme qui avait recueilli l'hérédité et qui voulait faire une lutte intelligente. Pas une lutte militaire, mais judiciaire. Bon, la mafia a choisi un objectif très important. Et ça veut dire que la mafia, maintenant, a déclaré une guerre sans quartier à l'État. Histoire vivante, cette semaine, Cosa Nostra. Politique et crime organisé, de dangereuses liaisons. C'est une belle napolitaine. Elle se nomme Marilda Boccassini. Sa tignasse flamboyante lui vaut le surnom d'Hilda la Rouge. Elle n'est ni actrice, ni chanteuse, ni cover girl, écrit la journaliste Marcel Padovani, à propos de la nouvelle magistrate chargée de l'enquête sur l'assassinat du juge Falcone après l'assassinat de Paolo Borsalino. Cette femme, formée aux méthodes de Giovanni Falcone, reprend par le détail le travail préalablement réalisé. La première chose qu'on a fait, ça a été de comprendre comment ils étaient organisés. Les carabiniers avaient des objectifs, la DIA en avait d'autres, la préfecture et le groupe Falcone et Borsellino de la police d'autres encore. Tout ça était coordonné par moi et il n'y avait pas un geste des forces de l'ordre qui n'était pas connu des autres membres des forces de l'ordre. Noi abbiamo sezionato tutta quella zona e quindi fu radiografata. On a quadrillé toute la zone et on a étudié la situation des personnes qui habitaient là, qui avaient eu dans le passé des rapports avec des hommes de Cosa Nostra. On n'a rien laissé de côté. Notre premier objectif a été de découvrir les responsables du massacre. Le second, ça a été de dire, est-ce que c'est seulement Cosa Nostra qui est responsable ou est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre? Le travail finit par payer. La justice italienne parvient enfin à mettre des identités sur les assassins du juge. Commanditaires et exécuteurs, ce sont en tout 18 mafiosi qui, d'après les magistrats de Caltanissetta, ont participé à l'attentat contre le juge Giovanni Falcone. Parmi eux, plusieurs chefs de clan ainsi que des hommes d'honneur de Cosa Nostra, des gens emprisonnés pour d'autres délits, mais la police a également procédé à de nouvelles arrestations, notamment celle d'un entrepreneur sicilien affilié à la mafia palermitaine. Un an et demi d'enquêtes minutieuses, faites d'écoutes téléphoniques, de filatures et d'analyses scientifiques des plus petits indices retrouvés aux alentours du lieu de l'explosion, ont permis petit à petit de reconstituer les événements et de remonter les filières. Les mégots de cigarettes découverts sur la colline surplombant l'autoroute d'où les tueurs ont déclenché la bombe ont ainsi été analysés dans des laboratoires spécialisés aux États-Unis, des examens qui ont contribué à l'identification de plusieurs auteurs de l'attentat. Enfin, de récentes dépositions de repentis mafieux auraient également aidé les magistrats dans ce que l'on appelle déjà ici une grande victoire sur la criminalité organisée. Un nom arrive en tête de liste. C'est celui de Salvatore Riina, autrefois tueur et garde du corps des parrains de Corleone, plusieurs fois arrêté, puis relâché, l'homme est monté peu à peu en grade. Voilà une vingtaine d'années que Toto Riina est en fuite. Il vit quelque part, dans Palerme. Le retrouver est une mission des plus difficiles. Les policiers ne disposent de l'homme qu'une photo ancienne. Ils en sont réduits à le vieillir par trucage interposé et tenter d'échafauder un hypothétique portrait robot. Malgré ces difficultés, l'enquête progresse. Elle permet aux services spéciaux des carabinieri, dépêchés de Rome, d'établir que le secteur à couvrir est le quartier de Noce, un quartier prisé par Toto Riina. Comme partout ailleurs dans Palerme, approcher le quartier de Riina revient à se faire repérer par un homme de Cosa Nostra. Ceci quadrille toute la ville et observe toute présence pouvant paraître suspecte en permanence. En Sicile, il n'est pas possible d'infiltrer une société criminelle. Alessandro Ferrara. Aussi bien en raison des structures familiales que de la nature secrète, de l'imperméabilité des structures mafieuses. Alors il faut agir comme des ombres. Comme des ombres, cela signifie y être et ne pas y être. Cela signifie regarder la rue, parcourir la rue, et sans appartenir à une association mafieuse, en reconstituer tous les aspects, les manifestations, les mouvements, les comportements, et les étudier, les vérifier, les lire, les voir, comme les Indiens. Car si nous sommes repérés, c'est nous alors qui devenons le gibier. Da soggetto attivo passare soggetto passivo. L'enquête s'oriente à présent vers Ganci, chef de la famille du quartier de la Noce et membre de la commission. Il est propriétaire de plusieurs boucheries et également l'un des plus gros commerçants du quartier. Le fait le plus significatif a été de constater que Raffaele Ganci, boucher de profession, allait régulièrement dans un chantier dans une zone de Palerme. Ilde Boccassini. Il y allait pratiquement tous les jours. Tant'è che si decise di collocare proprio in quel posto, nell'ufficio, cioè nei locali. On a décidé de mettre dans les bureaux du chantier un micro. E questo è stato. Et on a pu constater que des personnages connus pour être des dirigeants importants de Cosa Nostra, comme Salvatore Cangemi, se rendaient aussi sur ce chantier. Già conosciuti come grossi esponenti di Cosa Nostra. Pour suivre les moindres faits et gestes de Ganci vers ce chantier et y épier ses rendez-vous, on a recours à une caméra en fibre optique, grosse comme un crayon, télécommandée à quelques centaines de kilomètres de l'objectif à Rome. Un individu est enfin arrêté, pour une toute autre raison. C'est l'ancien chauffeur de Totorina, un certain Di Maggio. Une pêche importante pour la police. Di Maggio apporte une collaboration significative. Francesco Gratteri dirige à Rome le service antimafia de la police judiciaire. Important, qui confirme et qui est confirmé par le travail effectué jusqu'alors par les groupes d'intervention des carabiniers à Palerme. Dalla Crimor, per cui dal ROS giù a Palermo. Individua il quadro. Il identifie les dirigeants et il identifie les personnes que les groupes de carabiniers avaient déjà identifiés, filmés et écoutés au cours de leurs observations. Avevano individuato nei servizi di osservazione e nei servizi audiovisivi. Cela nous a permis d'approcher de l'habitation de Rina, qui, je le répète, avait déjà été repérée parce qu'on y avait vu le fils de Raffaele Ganci. Perché lì era stato visto già il figlio di Raffaele Ganci. Grâce à Di Maggio, la police finit par avoir enfin l'information capitale. La maison où se trouve Totorina. Le 15 janvier 93, celui-ci est arrêté. Les policiers viennent de réaliser une capture historique. Au début, Rina n'a pas voulu décliner son identité. Il ne voulait pas être identifié. Il prétendait ne pas être Rina. Ensuite, il a compris que c'était terminé, donc il a dû céder. Et il a admis être Rina. Ormai era finita, per cui poi alla fine ha dovuto cedere, ha dichiarato di essere Rina. Demain, la suite de cette évocation des procès anti-mafia, dans la perspective du nouveau film de Marco Bellocchio, Le Traître, Il Traditore, actuellement dans les salles de cinéma. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc